Chapitre 47e. Monsieur de Carquebus avait une façon de rire tout à fait originale. Lorsqu'on lui racontait une histoire touchant des étrangers, il en riait rarement, si drôle qu'elle fût. Au contraire, lorsque c'était lui qui faisait un récit, il s'arrêtait à chaque instant pour pousser de formidables éclats de rire. De même, il riait encore largement lorsque dans un projet en discussion il se voyait un rôle à jouer, car pour cela seul qu'une chose le touchait personnellement, elle prenait aussitôt à ses yeux une importance considérable. Quand Clémence lui dit qu'il aurait à s'entendre avec le capitaine Beaujonnier, il partit d'un éclat de rire aigu qui secoua les vitres du pavillon. « C'est le capitaine qui me donnera cette preuve, s'écria-t-il, cette preuve qui doit me restituer la fortune d'Arthur et par là assurer notre mariage. Ah, c'est trop drôle, c'est lui, il est bon enfant. » Et les rires recommencèrent, mais tout à coup, l'interrompant, « Tu es un ange, s'écria-t-il. Un ange ?» Mais Clémence était si bien habituée à s'entendre dire qu'elle était un ange qu'elle ne parut pas sensible à ce compliment. « Je ne sais pas, continua-t-elle, si après que vous aurez vu le capitaine, vous trouverez qu'il est aussi bon enfant, car je le crois disposé à ne pas vous donner cette preuve pour rien. Quand vous m'avez demandé à vous aider à prouver au marquis que Denise n'était pas sa fille, je vous ai tout d'abord refusé mon concours, mais bientôt j'ai réfléchi que ce que vous prétendiez contre la naissance de cet enfant pouvait être vrai. » « Parbleu, si c'était vrai, j'ai l'intuition de ces choses-là, moi. » Avec une de ces femmes, comme Emma Lajolais, qui sont assez malheureuses pour ne mettre aucune fidélité dans leurs sentiments, et pour se faire un jeu de l'amour, car il paraît qu'il y a des femmes ainsi. « Mais oui, » dit-il d'un air entendu, « il y en a. » Avec une de ces femmes, vos soupçons avaient une certaine apparence de raison, et alors ce n'était point une mauvaise action d'éclairer le marquis. C'en était une louable. C'était empêcher une étrangère de dépouiller les héritiers légitimes. Très bien, c'est cela même. Dans ces conditions, je pouvais donc, par respect de justice, et aussi par sympathie pour vous, faire ce que vous demandiez. J'écrivis donc à mon mari dans ce sens, car à quel autre m'adresser? Précisément, mon mari se trouvait heureusement placé pour faire des recherches de ce genre, que ses relations lui rendaient assez facile. Au bout de quelque temps, il me répondit qu'il avait entre les mains la preuve que Denise n'était point la fille du marquis. Il a dit la preuve, il a écrit la preuve. Alors je lui demandai de me l'envoyer, mais il s'y refusa, me disant que cette preuve avait une valeur considérable pour certaines personnes et qu'il ne serait pas assez simple pour la donner gratis. Quand je vous ai dit l'autre jour que votre mari était un chenapan, vous vous êtes fâché. J'avoue que j'aurais mieux aimé plus de générosité. Et voilà pourquoi précisément je ne vous ai point parlé de cette preuve. Mais l'annonce du mariage de Denise avec votre neveu ne me permet pas de rester plus longtemps. Il y a urgence à partir pour Paris, et à vous entendre avec le capitaine, à moins que vous ne préfériez voir ce mariage se faire. Il ne se fera pas. Cela dépend de la négociation que vous allez entreprendre. Je vais vous donner une lettre pour le capitaine. Surtout, expliquez-lui bien que je ne suis pas riche présentement et que c'est une éventualité que j'achète. Si par hasard je mourrais avant le marquis, j'en sais pour mon argent déboursé aujourd'hui. Il profiterait à votre neveu. Je me fiche bien de mon neveu, et ce n'est pas pour lui que je dépenserai 2 sous. D'un autre côté, mon petit ange, n'oublie pas que l'argent que vous épargnerez aujourd'hui, c'est le vôtre. Ménagez-le. Ce que vous arracherez à votre mari présent, vous le trouverez plus tard chez votre mari futur, car je serai votre mari. Ma chère petite poulette, je vous l'ai promis, et vous verrez que je suis un homme de parole. Elle écrivit à son mari une lettre telle que la désirait Monsieur de Carquebus, car elle savait que celui-ci n'aurait pas la discrétion de la remettre à son destinataire sans l'avoir lue auparavant. Mais en même temps, elle en écrivit une seconde, qu'elle confia à la poste, et dans laquelle elle fut plus explicite et plus franche. « Je t'ai ménagé il y a quelque temps une bonne fortune, dont, je l'espère, tu as conservé un agréable souvenir. Si tu n'en as pas su conserver autre chose, ce qui me paraît hélas, redouter, étant donné le caractère de mon pauvre cap. Aujourd'hui, je t'en prépare une autre qui peut encore devenir productive entre tes mains si tu sais en tirer parti. Tu verras ainsi que je pense à toi et que je ne me ménage pas pour te venir en aide. M'en es-tu reconnaissant au moins? Et te dis-tu quelquefois que tu as une petite chatte qui s'extermine pour son coquin de mari, tandis que celui-ci mène à Paris une vie de chanoine, mangeant bien, buvant bien et le reste? Enfin, c'est notre rôle à nous autres faibles femmes de nous dévouer pour des beaux-riens qui n'ont qu'à se laisser aimer et choyer. Mais assez de réflexions philosophiques. si je veux que tu me lises jusqu'au bout. J'arrive donc au fait. Dans cette lettre, chargée, s'il te plaît, car il ne faut pas qu'elle se perde, tu en trouveras une autre que tu reconnaîtras pour celle que tu m'as envoyée il y a quelques mois, celle de Balbine. À ce moment, je te l'ai payée ce qu'elle valait, au moins pour moi. Mais depuis, elle a augmenté de valeur. Et bien que strictement j'ai le droit de la revendre le prix que j'en trouve, profitant de cette plus-value, je ne veux pas agir avec toi ainsi. Je te la retourne donc, et en même temps je t'adresse un acquéreur sérieux. Si tu es en état de me restituer ce que j'ai déboursé, tu le feras. Sinon, tu attendras des temps meilleurs, je m'en rapporte à ta bonne foi. Mon acquéreur n'est autre que M. Artem de Carquebus, de qui je t'ai plusieurs fois parlé, le cousin du marquis et son héritier pour le cas où Denis serait écarté. Tu comprends dès lors de quel prix cette lettre est pour lui. Cependant, ne la lui fais pas trop chère, d'abord parce qu'il serait homme à la refuser, si tu excédais certaines limites raisonnables, ensuite, parce qu'il ne pourrait pas te la payer, son avoir se composant uniquement de quelques milliers de francs qu'il a péniblement amassés en tondant sur les marchés de bois et sur les baux que le marquis lui laisse faire. Ne parle donc pas, pour ta demande, des millions du marquis, mais seulement des billets de mille de ton acquéreur. Sur ce, en avant, mon vieux cap, et bonne chance, au galop. Si tu n'es pas content de ta petite chatte, tu seras bien difficile, et tout à fait indigne de l'affection de ta Clémence. Comme il fallait que cette lettre arrivât à Paris avant M. de Carquebus, Clémence s'arrangea pour faire manquer le train de 8 à celui-ci. Ce fut donc le lendemain, à 3 heures, qu'il se présenta dans les bureaux de la fortune publique. « Si c'est pour souscrire, dit un garçon de bureau en venant devant de lui, dépêchez-vous. Vous n'avez plus que quelques minutes, et demain il sera trop tard. » Mais M. de Carquebus, humilié d'être pris pour un souscripteur, il ne s'embarquait pas dans ces balançoires-là, répondit d'un ton bourru qu'il allait voir le capitaine Beaujonnier. Et tout de suite, « Monsieur Beaujonnier est en conseil, il ne peut recevoir personne. » « Et à quelle heure finit-il ce conseil ? 5 heures, 6 heures. Et vous croyez que je vais attendre jusque-là ? Comme monsieur voudra. Pouvez-vous remettre une lettre à monsieur Beaujonnier ? C'est difficile. Mais ce n'est pas impossible, n'est-ce pas ? Ça dépend de la gratification, hein ?» Le garçon se mit à sourire. Alors monsieur de Carquebus, ayant longuement fouillé dans la poche de son gilet, en tira une pièce de 2 francs. « Moyennant cela ?» dit-il en montant sa pièce d'un air princier. « C'est impossible, répondit le garçon avec mépris. « Est-ce que vous êtes obligé de partager avec votre maître, monsieur ? Alors prenez-moi cette pièce de 100 sous et portez cette lettre plus vite que ça. Vous voyez bien que je ne suis pas un jobard, je le connais, votre directeur. » Et le poing sur la hanche, il se mit à siffler un air de chasse, tandis que le garçon portait la lettre de Clémence au capitaine. Au bout de 10 minutes, celui-ci arriva pas pressé, les cheveux rejetés en coups de vent, un homme accablé d'affaires. « Monsieur de Carquebus ? » demanda-t-il sans saluer. « Lui-même. » « La lettre de ma femme. Impossible de traiter affaire en ce moment. Trop pressé. Demain, si vous voulez. » Depuis qu'il était devenu un financier, il avait adopté ce style télégraphique avec les clients qu'il voulait éblouir ou, plus justement, selon son langage, épater. « Votre heure ? » continua-t-il avec volubilité. « 5 heures du matin, si vous voulez. Serons tranquilles. » Si M. de Carquebus n'était pas ébloui, il était au moins étonné. « Quel blagueur !» se dit-il en examinant le capitaine. « Décidé !» continua celui-ci qui avait tiré son carnet pour écrire l'heure du rendez-vous convenu. « Je suis pressé aussi, » dit M. de Carquebus. « Demain, il sera trop tard. Aujourd'hui, pas minute libre. Vous dînez bien. Juste, bonne idée. Me ferez honneur dîner avec moi. C'est vous, au contraire, qui me ferez l'amitié de partager mon dîner. Comme vous voudrez, fais jamais politesse. Niaiserie et perte de temps, c'est mon avis. Votre heure, la vôtre. 7 heures, alors, où ? Palais Royal, dit M. de Carquebus, qui avait ses habitudes d'économie. Pas possible, répliqua le capitaine en secouant la tête. Estomac délicat, mange pas dans ces endroits. Café riche, café anglais, sors pas de là. Café riche, alors. Va, me trouverai au café, à l'absinthe. Et sans un mot, sans un signe de main, il s'éloigna à grands pas. « Voilà un chenapan, » se dit M. de Carquebus en sortant des bureaux de la fortune publique, « qui ne va pas être commode. Si je ne le grise pas, il me coûtera cher. »« Voilà un vieux dur à cuire, » se disait en même temps le capitaine, « qui ne sera pas aussi tendre emplumé que le marquis. Enfin, on en aura ce qu'on pourra. » Et rentrant dans son cabinet où personne ne l'attendait, il se mit à fumer une pipe pour gagner l'heure de l'absinthe.